qui est le diable, qui est le Dieu. Hein? On danse tous avec le diable, tous avec le diable. Je danse avec le diable, danse avec le diable, danse avec le diable. L'atmosphère est démoniaque. On danse tous avec le diable. La crime, sco. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Les ennemis ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Et ça jusqu'à ce que leur sang s'éteint. Le 3, 5, 7 décroche les étoiles. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Les ennemis ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Et ça jusqu'à ce que leur sang s'éteint. Le 3, 5, 7 décroche les étoiles. Je danse, je suis en transe. Ton corps de mon frigo découpé en tranches. Criminel en France qui crie vengeance. Bercé par les fusillades depuis l'enfance. Pas peur de la mort, je le suis déjà. C'est soit t'es mon ennemi ou ma geisha. Frelo, t'as pas le choix. Je crache du feu avec de l'aisance. Si tu brûles, je t'éteins avec de l'essence. Juste un acte de présence qui devient un acte de démence. Je fais la paix avec mes démons. Je passe par l'enfer vu que les anges font pas démons. Par la grâce du diable, niquer le feu par le feu. Hein? Par la grâce de Dieu, j'agis et je parle peu. Le yin et le yang, j'ai mis de côté. Je suis dans une autre obscurité. Je mutile les MC pour absurdité. Et je vends les organes sur eBay. Viens dans mon atelier, je t'opère sur la civière. Et si tu crèves sale, j'ai une cave en guise de cimetière. Je vous ferai souffrir lentement en silence des agneaux. Va y avoir du sang et des enterrements. Ferme les yeux de tes marmots. Oh, Frelo, j'ai raté ma vocation. La psychiatrie, mon rap. Un fusil à pompe chargé comme le Boulani à Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Les ennemis ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Et ça jusqu'à ce que leur sang s'éteint. Le 3, 5, 7 décroche les étoiles. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Les ennemis ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Et ça jusqu'à ce que leur sang s'éteint. Le 3, 5, 7, décroche les étoiles. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les MC ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Les MC ne savent pas ce que je prépare. On vole des lingots, on ne vole pas des rébans. De local à Chicor, tu trouveras des putains de vraies balles. Demande à tes dieux, on est trop bon. Parle mal, on t'envoie directement dans l'autre monde. Mini sur la tremonde, t'es sur ma chaise. Ta maîtresse, j'attrape, je la baisse. J'ai rempli mon bain avec 20 litres de Jack. Je vais t'enculer ta mère, salva, zéro jam. Je danse autour des flammes, je les vois que des femmes. Au sévère avec des colis, merci de jam. Oui, t'as 20 kills dans le véhicule. Évite la tôle, gros, mais pas tes paluches. T'es mis de tel talon, French manicure. Sur la croisette, sur votre gauche, j'ai capuche. Faut casser ta puce. Y'a les Schmitt, collé dents qui se mettent sur tes côtes. Big up à tous ceux qui ont baisé le diable. Y'a des traces de rouge à lèvres sur le mégot. Champagne et bédo, je mets ses posés. Je suis dans le ghetto. Viens nous causer, le rap rempli de mythos. Ni fait ni crossé, où c'est le lit. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Les ennemis ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Et ça jusqu'à ce que leur sang s'éteint. Le 3, 5, 7 décroche les étoiles. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Les ennemis ne savent pas ce que je prépare. Frelo, je danse avec le chétan. Frelo, je danse avec le chétan. Et ça jusqu'à ce que leur sang s'éteint. Le 3, 5, 7 décroche les étoiles.